Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. 33e épisode. Le démon de la Maison Bleue. Le temps passe. Et il s'en passe des choses. Rappelez-vous, nous étions en Floride. Quelle chaleur! Il était vraiment temps de regagner le Winnipeg et ses forêts d'automne. Eh bien, aujourd'hui, nous y sommes. Nous sommes au Canada. Au fait, nous allions oublier de vous le dire. Lord Buridan s'est marié, avec Eleanor, bien sûr. Il ne s'est pas marié tout seul, Oscar aussi. Oscar, que Lord Buridan a entraîné dans son château de Winnipeg, s'est marié en même temps. Avec qui? Mais avec Régine, bien sûr. En voilà une question. Le même jour, oui! Il faut dire que le mariage de groupe est devenu une coutume très habituelle dans notre feuilleton. Et la main rouge? Plus personne n'en parle. Sûrement pas en tout cas ce pauvre William Dorgan, devenu Monsieur Clark, qui n'a toujours pas retrouvé l'usage de la parole, ni ce malheureux Joey Dorgan, transformé en Baruch Yorgel par le redoutable Dr Cornelius, et qui n'a toujours pas retrouvé son physique, ni sa mémoire. Mais qui sait ? Winnipeg, 5 minutes d'arrêt. Les voyageurs pour New York en voiture, s'il vous plaît. Départ dans 2 minutes. Les voyageurs pour New York. C'est vraiment dommage, Régine, que vous partiez si vite. La campagne canadienne est si belle au printemps. Ah, croyez bien, Lady Eleanor, que s'il n'avait tenu qu'à moi, je serais restée plus longtemps. Je n'oublierai jamais ce séjour. D'abord, c'est ici que nous nous sommes mariés, Oscar et moi. Mais j'espère que vous reviendrez très vite nous voir. C'est promis. Mais avant, c'est à vous de venir nous rendre visite en Floride. Ah. N'oubliez pas que vous nous avez promis de venir cet hiver. Je viendrai. Et nous aussi. Même Monsieur Bondona a promis de nous accompagner. Mais qu'est-ce que j'ai promis, André? Mais de nous accompagner en Floride, c'est tout. Ah, bah bien sûr que je viendrai, quand même. Si quelqu'un m'avait dit un jour qu'Oscar deviendrait citoyen américain, et gendre d'un millionnaire en plus. Ah, tu vas nous manquer, Oscar, tu sais. Vous aussi, vous allez me manquer, Monsieur Bondona. N'oublie pas, Oscar, que la maison de Kerity vous sera toujours ouverte à Régine et à toi. Sûr, j'oublierai pas, Mademoiselle Frédérique. Oscar, surtout n'oublie pas de m'envoyer de New York les brochures que je t'ai demandées et les articles concernant l'arrestation de Baruch Yorgel. Vous inquiétez pas, j'oublierai pas. Monsieur Bombridge, j'ai oublié de vous dire. Envoyez-moi des nouvelles de Silkin et de la Dorifa. J'y penserai, Lord. Bien. Eh bien, il est temps de rentrer. Cloum vous ramènera au château dans la voiture. Bien. Monsieur Bondona et moi-même, nous allons prendre la carriole. Nous avons quelques courses à faire en ville. Je dois passer voir mon ami Pasquier. Et ensuite, nous passerons à la Maison Bleue. À la Maison Bleue? Toi, père, tu vas à la Maison Bleue? Mais je croyais que tu t'étais juré de ne jamais rencontrer Baruch. C'est vrai. Mais il le faut, ma petite Frédérique. Bien, je vais d'abord m'arrêter chez Denis Pasquier afin de rendre visite à Monsieur Clark. Allez-vous lui dire que vous m'avez mis au courant de sa véritable identité? Ah oui, car si nous voulons guérir un jour de son aphasie, c'est indispensable. Je dois dire que la visite à la Maison Bleue et tout ce que je vous ai expliqué ces derniers jours rendaient cette confidence indispensable. Ah, voilà, nous y sommes. Oh, la grise, là-haut. Je suppose qu'il est préférable que je vous attende dehors. J'allais vous le demander. Ah, j'espère que je ne vous ai pas fait trop attendre, Monsieur Bondona. Mais pas du tout. Alors, vous lui avez dit? Oui, Oui, et il n'en a pas paru mécontent du tout. Mais il tient beaucoup à ce que vous soyez le seul au courant de ce secret. Mais Harry Dorgan et Mistress Isidora, ne faudrait-il pas les prévenir? Non. Il s'y oppose formellement. Il prétend qu'il n'est pas encore temps. Peut-être a-t-il raison, après tout. Ah, nous y sommes. Oh, la grise, oh. Ah, voilà Ophélia. Oh, bonjour cousine. Oh, cousin, quelle surprise. Je croyais déjà que vous nous aviez oubliés. Bonjour, monsieur Bondona. Mais ne restez pas là sous le soleil, entrez donc. Noël n'est pas là? Si c'est lui que vous vouliez voir, vous êtes mal tombé. Il est parti très tôt ce matin pour visiter une coupe de bois et il ne rentrera pas avant ce soir. Eh bien, nous passerons de lui. D'ailleurs, c'est votre malade que nous sommes venus voir. Mon ami Bondona voudrait l'examiner. Ah, le pauvre innocent. Je doute que personne ne puisse jamais le guérir. Mais, excusez ma curiosité, c'est pour lui que vous avez apporté cette grande boîte noire? En effet, cette grande boîte noire, c'est un appareil à rayon X. Un rayon X? Qu'est-ce que c'est? C'est pas dangereux au moins? Mais non, il ne faut pas en avoir peur, Madame Ophélia. C'est un instrument scientifique qui sera très utile pour examiner notre malade. Bon, alors je vais aller vous l'appeler. Il est dans le jardin à émonder la haie. Allons, courage, Monsieur Bondona. Ah, je vais en avoir besoin. Je suis angoissé rien qu'à l'idée de revoir ce misérable. Allez, entre. N'aie pas peur, ce sont des amis. Et le voilà. Et ne vous inquiétez pas, il ne parle pas beaucoup. Il ne parle même pas du tout. Alors, Monsieur Bondona, vous aviez raison. Je ne le reconnais pas. Ah! Ce n'est pas cet homme qui est l'assassin de mon ami de Maubruy. Ah! Non, ce n'est certainement pas le Baruch Jorgel que j'ai connu. Donc j'avais raison! Maintenant je vais vous montrer autre chose. Tenez mon ami, venez, n'ayez pas peur. Là. Prenez ce crayon et ce carnet. Tenez, prenez. Là. Maintenant, inscrivez votre nom. Voilà, très bien. Tenez bien ça. Tenez, regardez, Monsieur Bondona, le nom qu'il a écrit. Et sans hésiter. Joe Dorgan. Ah, ça alors. C'est extraordinaire. Je n'ose pas croire encore que vous ayez raison. C'est tellement invraisemblable. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Tenez, regardez. Voici une lettre écrite par Joe Dorgan avant sa captivité chez les Tramps. Comparez les deux signatures, comparez. En effet, elles sont absolument identiques. Et attendez, je n'ai pas fini. Mon ami, venez. Vous allez écrire maintenant le nom de Baruch Jorgel. Baruch Jorgel. Voilà. Vous avez vu comme il a hésité, hein? Et regardez l'écriture. Elle ressemble à celle de Joe Dorgan. Comprenez, Monsieur Bondona? Il n'a ni dans la mémoire ni dans la main cette signature qui, j'en ai la certitude maintenant, n'est pas la sienne. Cet homme n'est pas Baruch Jorgel. Donc, il ne peut être que Joe Dorgan. Mais alors, si cet homme est le vrai Joe Dorgan, le Joe Dorgan que nous connaissons serait... Baruch Jorgel, mais bien sûr! Oh, c'est extraordinaire. Ah. Et il n'y a qu'un chirurgien de génie qui soit capable d'une telle substitution. Cornelius Cram? Cornelius Cram. En effet, c'est à lui que je pensais. C'est presque incroyable. Il faut absolument que je l'examine au rayon X. Venez, mon ami, n'ayez pas peur. Mettez-vous là, oui, c'est ça. Comme ça, très bien. Ne bougez pas. C'est bien ce que je pensais. Ce malade a été traité selon la méthode du célèbre docteur Pessac. Tenez, regardez. On distingue parfaitement là, sous l'épiderme, les masses de vaseline paraffinée à l'aide desquelles on a, pour ainsi dire, remodelé un nouveau visage au sujet. Ah oui, les zones sombres, là, oui, oui, oui. Et là, là, vous voyez ces ombres sur les os. Oui, oui. Ce sont les cicatrices de l'intervention chirurgicale. Ah. Et est-ce que vous croyez que vous pourrez lui rendre la physionomie qu'on lui a volée? Mais bien sûr, rien de plus facile, puisque je connais les moyens qu'a utilisé Cornelius. Je vais commencer le traitement dès aujourd'hui, et je viendrai le voir deux fois par jour. Je vais lui rendre très vite le visage que la nature lui a primitivement donné. Mais dites-moi, comment se fait-il que vous ne l'ayez pas reconnu? La ressemblance n'est-elle donc pas parfaite? Elle a dû l'être tant que Cornelius a eu son sujet sous la main. Mais depuis que Cornelius ne le contrôle plus, la nature a repris son travail de reconstruction. Ce n'est pas encore Joe Dorgan que nous avons devant les yeux, mais ce n'est déjà plus Baruch Jorgen. Eh bien, à vous de compléter l'œuvre de la nature. Ben, moi, je ferai tout mon possible. Mais, regardez. Regardez, on dirait que le malheureux veut vous parler. N'est-ce pas, docteur? Vous ferez tout votre possible. Mon possible? Pourquoi, mon ami? Pour me guérir. Là. Là. Dans ma tête. Je n'ai encore obtenu que la moitié du résultat. J'ai rendu à ce malheureux sa vraie personnalité physique. Il est bien redevenu Joe Dorgan. Mais quant à sa mémoire et à son intelligence, rien. J'ai pourtant tout essayé. Ah, il faut peut-être que je vérifie cette dernière formule. Je me suis peut-être trompé dans les doses. Voyons. Non, non, c'est bien ça. Oui, entrez. Passez-vous, Buridan. Ah, je vous assure que la science, eh bien, c'est pas tous les jours facile. Non, je devine pourquoi vous dites cela. Ce n'est pas bien difficile à deviner. Mais qu'y a-t-il dans ce paquet? Ah, c'est Oscar qui vous envoie cela de New York. Ah, ce sont les publications des travaux de Cornelius que je lui avais demandé de rechercher. Mon Dieu, c'est un vraisemblable nombre d'articles et d'ouvrages que ce diable de chirurgien a publiés. Vous croyez que vous y trouverez quelque chose? Ah, je ne sais pas. Ça me donnera peut-être une idée du traitement auquel il a soumis Joe Dorgan. Je vais immédiatement étudier ces documents. Après tout, peut-être arriverons-nous à battre Cornelius avec ses propres armes. Eh bien, je vous laisse. Faites-moi appeler si vous trouvez quelque chose d'intéressant. Courage! Voyons. Thank you. Entrez. Alors, docteur, vous avez trouvé quelque chose? Mieux que cela. Dans une demi-heure, le médicament sera prêt. Et si je ne me suis pas trompé, le résultat sera rapide. Vous voulez dire? Mais quand sera-t-il guéri? Quelle heure est-il? 6h moins le quart. Voyons, attendez. Le médicament sera prêt dans une demi-heure. Le temps d'aller à la Maison Bleue, de le lui administrer demain matin, ben il sera guéri demain matin. Demain? C'est extraordinaire. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que... Oui, tenez, tenez. Passez-moi donc ce flacon. Voilà. Là. Oui, oui. Merci. Maintenant, vous allez l'agiter. Oui. Comme ça? Non, malheureux, pas comme ça. Ah bon, bon. Doucement, voilà, voilà. D'un mouvement régulier du poignet. Vous continuez jusqu'à ce que j'ai fini d'y verser ce mélange. Bon, voilà. Au fait, j'ai vu que Goliath était revenu. Oui, il est rentré il y a une heure en compagnie de notre invité. De Slug? Oui. Oui, ce brave Slug est enfin parmi nous. Et je vous assure que cette fois-ci, il ne m'échappera pas comme il m'a échappé à lui dépendu. Je l'ai fait enfermer dans une cave du château et il est gardé en permanence par 4 hommes armés jusqu'aux dents. Vous l'avez déjà interrogé? Oui, mais il n'y a rien à en tirer, il ne parlera pas. À mon avis, il ne doit pas savoir grand-chose. Slug n'est qu'un bandit subalterne. Oui. Cela m'étonnerait bien qu'il soit dans les confidences de Cornelius. Mais vous avez peut-être raison. Après tout, il ne nous apprendra rien que nous ne sachions déjà. Mais j'aime autant le savoir ici qu'en liberté. Voilà, eh bien, j'ai fini. Et maintenant, vite à la Maison Bleue. Vous avez bien compris, Madame Ophélia. Oui, Monsieur Bondona. Je lui donne le premier médicament, le blanc, avec le souper, et le deuxième, le flacon rouge, juste avant qu'il se couche. Bien. C'est ça, n'est-ce pas? Exactement. Je viendrai voir le résultat de mon traitement demain matin. Mais vous croyez que ces 2 potions, ça va suffire pour le guérir? Mais nous l'espérons tous, non? Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ne répondent-ils pas? Monsieur Fless! Madame Ophélia! Oh, c'est vous, monsieur Mandana. Oh, mais quelle heure est-il donc? Ben, je ne sais pas. Alors, comment va notre malade? Il doit dormir. Comme tout le monde. Vous voulez le réveiller? Venez, suivez-moi. Le voilà. Il dort. Eh bien, puisque je suis debout, je vais aller préparer le café. Joey Dorgan? Oui. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Mais comment vous sentez-vous ce matin, mon cher Joey? Comment je me sens? Très bien. Pourquoi me demandez-vous cela? Mais où suis-je? Et qui êtes-vous, monsieur? Mais je suis un médecin qui vous soigne depuis quelque temps et qui est bien heureux de voir que vous êtes en bonne voie de guérison. Un médecin? Oh mon Dieu, c'est vrai, les bandits. Je me souviens maintenant. Tout le monde est mort autour de moi. J'ai été blessé? Calmez-vous. Écoutez-moi. Je vous expliquerai ce qui s'est passé, mais avant... Dites-moi une chose. Vous rappelez-vous qui vous êtes? Qui je suis? Mais Joy Dorgan, voyons. Vous êtes sûr? Avez-vous de la famille? Oui, bien sûr. J'ai un frère ingénieur qui s'appelle Harry et mon père est William Dorgan, le milliardaire. Mais pourquoi toutes ces questions? Mais que s'est-il passé? J'ai une impression étrange. Attendez. Le dernier souvenir que j'ai... Ah oui, oui. C'est ça, c'est affreux. C'est un drame sanglant et après, je ne me souviens plus de rien. Mais racontez-moi ça en quelques mots. Eh bien voilà, mon père m'avait envoyé dans le sud toucher des sommes importantes. J'étais accompagné d'une douzaine d'hommes. Nous avons été attaqués dans les défilés du Black Cannon par les Tramps. Nous nous sommes défendus. Tous mes hommes sont morts. Moi, on m'a fait prisonnier et tandis qu'on m'emmenait, un des bandits m'a collé sur le visage quelque chose de froid, d'une odeur violente. Un masque de chloroforme? Ah oui, peut-être. Et c'est à partir de ce moment que je ne me souviens plus de rien. Eh bien, à mon tour de vous expliquer ce qui s'est passé ensuite. Ah, croyez-vous que ça va marcher, monsieur Bondona? Mais j'en suis à peu près sûr. Dans une heure d'ici, j'espère que Sir William Dorgan sera guéri de son aphasie. Le scénario est prêt, n'est-ce pas? J'ai expliqué la situation à Joey et il a très bien compris. Et vous, de votre côté, avez-vous prévenu tous nos amis? Oui. En ce moment même, tout le monde doit être en route pour la Maison Bleue. André, Frédéric et ma femme Eleanor sont partis en voiture avec Goliath. Pagano, Ravenel et Klum doivent les rejoindre avec la carriole. Nous voici arrivés chez M. Pasquier. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite en compagnie de William Dorgan. Ah, Lord Burry, comment allez-vous? Venez voir M. Clark? Oui, mon cher Pasquier, mais surtout, ne vous dérangez pas, je connais le chemin. Très bien. Il faut que vous veniez avec moi. Bien, écrivez. Oui, ou cela. Ou cela. Vous allez le voir. Venez. De quoi s'agit-il? Ne me posez pas de questions et faites-moi confiance. Il faut que vous veniez. Êtes-vous d'accord? Oui, bon. Bon, très bien, dépêchons-nous, venez. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Oh, les voilà. Il y avait votre frère. Oui, attendez, j'y vais. Je vous en prie, entrez, monsieur Clark. Entrez. Là. Asseyez-vous. Je vous présenterai tout le monde plus tard. Mes amis, je vous ai fait venir ici car j'ai de grandes nouvelles à vous annoncer. La première nouvelle, c'est que monsieur Clark, ici présent, n'est pas Monsieur Clark. Qu'est-ce que ça veut dire? Enlevez vos lunettes noires et votre perruque, Monsieur Clark. Je vous en prie. William Dorgan? Eh oui, mes amis, William Dorgan. Notre ami, le milliardaire William Dorgan, est vivant, bien vivant. Oh, c'est extraordinaire. Mais pour échapper aux assassins qui le menaçaient, pour faire éclater toute la vérité, nous avons dû laisser croire à sa mort. Mais pourquoi ? Non, non, non. Silence, silence, silence. Je n'ai pas fini. Vous vous souvenez tous, il y a quelques années, Joey Dorgan avait été enlevé par les bandits de la Main Rouge. Oui. Hein ? Vous vous souvenez également qu'il avait réussi à leur échapper. Oui. Silence. Eh bien, l'homme qui était revenu n'était pas Joey Dorgan. Mais qui était ? C'était un imposteur auquel un chirurgien de génie avait donné la physionomie de Joey Dorgan. Et ce chirurgien de génie, ce savant sans scrupules, vous le connaissez tous. C'est Cornelius Cram, le sculpteur de chair humaine. Celui qui se cachait sous les traits de Joey Dorgan, vous le connaissez tous aussi. C'est Baruch Yorgel. Et ce n'est pas tout. Ce diabolique Cornelius a poussé le prodige jusqu'à donner au vrai Joey Dorgan les traits de Baruch Yorgel. Et pendant que Joey Dorgan languissait au Lunatic Asylum, Baruch Yorgel, Cornelius et son frère Fritz se mettent la ruine et la mort autour d'eux. C'est affreux. Ce sont eux qui ont fait sauter le pont de l'Estacade. Ce sont eux, les possesseurs de l'île des pendus. Ce sont eux, enfin, les lords de la Main Rouge. Mais heureusement, grâce à la science et à vous tous, nous sommes sur le point de triompher. D'abord, nous avons retrouvé et guéri le vrai Joey Dorgan. Ophélia. Oui, Lord Burida. Ouvrez le rideau, s'il vous plaît. Joey Dorgan. Joey Dorgan. Mon père. Vous. Mon fils. Enfin, mon fils. Je te retrouve. Il parle. Il parle. Il est guéri. Oui. Je savais bien que seule une violente émotion était capable de lui rendre la parole. Oh. Mr. Dorgan, vous êtes guéri, complètement guéri. Mes amis, un peu de silence, s'il vous plaît. Nous venons d'assister à la première scène du dernier acte. Il nous reste maintenant à mettre Cornelius, Baruch et Fritz hors d'état de nuire. Nous devons maintenant leur infliger le châtiment qu'ils méritent. Quant à moi, je vous donne ma parole d'honneur que je ne faillirai pas à cette tâche. Tremblez, messieurs les lords de la Main Rouge, tremblez. La pièce n'est pas finie et Lord Buridan en connaît le dernier acte. Vous aimeriez bien le connaître aussi ? Mais il vous suffit d'écouter la suite de notre grand feuilleton théâtral, Le mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, la résistible ascension de Baruch Yorgel. Pardon ? Ce titre vous dit quelque chose ? Ah, si vous êtes un fidèle auditeur de France Culture... C'était Le mystérieux docteur Cornelius, un feuilleton d'Edith Loria d'après le roman de Gustave Lerouge. 33e épisode, Le démon de la Maison Bleue. Avec Maya Simon, William Corinne, Pierre Vanek, Marianne Épin, Jean Vienner, Daniel Vol, Ivar Canel, Anne Sinigalia, Emmanuel de Chartres, Robert Parti, André Rouillet, Catherine Laborde. Musique du générique Jean Vienner, bruitage Louis Matabon, chef opérateur du son Bernard Charon, collaboration technique Noélie Louis-Marie, assistante Brigitte Bouvier, réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 10 février 1978. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.